Sur Exode 3, là, il va se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis désolé, je vais essayer d'être le. On va faire un peu d'hébreu. Je suis pas moi-même, je suis pas hébraïsant. Fait que tout ce que je vais vous dire, je l'ai lu à quelque part parce que je sais faire des recherches quand même. J'ai un passé pour ça. Mais j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin parce que ça risque d'être long. Mais non, je vous effraie pas, là, ça sera pas si pire que ça. On est quand même dimanche le 25. Puis, on a tous envie de passer une journée quand même assez tranquille. Fait que faites-vous-en pas avec ça. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Exode 3. On va commencer par le lire. Je vais l'afficher derrière moi dans quelques instants, mais je vais vous donner la chance quand même de l'atteindre dans votre Bible. Donc, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Bon, pour ceux qui sont observateurs, vous avez remarqué que le beau-père de Moïse a peut-être changé de nom ici. Il s'appelait Réuel au chapitre 2. Maintenant, il est rendu Jéthro. C'est la même personne. C'est un avatar de la même personne, okay, qui porte probablement un deuxième nom, le nom de sa belle-famille ou un nom d'emprunt. Bref, souvenez-vous que Jéthro et Réuel, c'est la même personne. Donc, Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Dans d'autres passages, dans d'autres contextes, Horeb, c'est le Sinaï. Sinaï, en passant, qu'on ne sait pas exactement où il se situe. Je parle du Sinaï antique. Aujourd'hui, on l'a situé un peu comme Nazareth sur une carte, là. Mais le Nazareth d'aujourd'hui, ce n'est pas le Nazareth de l'Antiquité non plus. C'est une convention. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse! » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie... » Ça, je l'ai déjà dit, pardon. J'ai sauté. Donc, 16. « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, « Je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on a fait, ce qu'on vous a fait en Égypte. » Et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananiens, des Hétiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. » Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. On va juste dire 2 mots avant de commencer à proprement parler, à parler du parcourir le chapitre 3. Là. Juste 2 mots pour préciser le cadre physique, le cadre aussi historique dans lequel on est. Le mont Horeb, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autre nom du mont Sinaï. Ce mont-là est appelé également la montagne de Dieu. Vous remarquerez, sur cette montagne-là, Moïse rencontre Dieu à travers le buisson ardent. Mais plus tard, les Israélites vont aussi, au chapitre 19, adorer Dieu au pied de cette montagne. Donc, elle est surnommée souvent la montagne de Dieu. Le Horeb, le Sinaï, c'est la même chose. Maintenant, pour la grande histoire, on est au 16e siècle. Pas de notre ère, mais de l'autre ère, celle d'avant Jésus-Christ. Plus précisément, on est sous le nouvel empire égyptien. L'Égypte, c'est 3000 ans d'histoire avant Jésus. Hein? On sépare généralement la période de l'histoire antique de l'Égypte en 4 périodes, l'Ancien, le Moyen, le Nouvel Empire et la Basse Époque. Là, on est dans le Nouvel Empire. Et on est précisément sous la 18e dynastie. Donc, on a un pharaon qui s'appelle Toutmès III, qui a chassé les Hyksos, qui avaient envahi l'Égypte auparavant, 150 ans plus tôt. Et ce pharaon-là va affermir son emprise sur les territoires cananiens, donc la Palestine actuelle. Mais ça, c'est la grande histoire. Juste vous rappeler qu'on est environ au 16e siècle avant Jésus. Donc, c'est le contexte. On va en venir au chapitre maintenant. Chapitre 3, c'est certainement un chapitre très important pour la suite des choses. Pour l'histoire biblique, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça marque une nouvelle période, ça marque aussi une étape importante dans l'histoire du salut. On est dans la continuité de ce qui s'est passé dans la Genèse. Ce n'est pas la première fois que Dieu apparaît aux hommes. Ce n'est pas la première fois que Dieu va à la rencontre des hommes non plus. Mais c'est la première fois qu'il va spécifiquement à la rencontre du peuple d'Israël. Il ne va plus à la rencontre des patriarches en tant que tels. Et ce peuple-là d'Israël, il l'a choisi depuis Abraham. Sauf que ce peuple, depuis Abraham, ce n'est plus une famille, c'est devenu un peuple. Hein? Il a grossi, il a prospéré, il est devenu nombreux. Et cette rencontre-là de Dieu, il ne faut pas oublier, je l'ai dit, dans la continuité de ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et à Jacob. Si on se souvient dans la Genèse, la promesse qui a été d'abord faite à Abraham, Genèse 12:2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ensuite, il y a une promesse que Dieu a faite concernant la terre promise, dans Genèse 15. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Donc, l'Israël actuel. Puis ensuite, cette promesse-là, elle est confirmée à Isaac et à Jacob. Par exemple, Genèse 26, « L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays et je te dirai, séjourne dans ce pays. » Dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Donc, quand Dieu s'annonce à Moïse, il est dans la continuité de ce qui a été promis auparavant. Ça, il faut se rappeler ça constamment. Ce ne sont pas des nouvelles promesses, ce sont plutôt des confirmations et des élaborations des promesses qui ont été faites précédemment. Parce que Dieu ne saurait renier ses engagements, c'est contraire à sa nature. Dieu ne se dédie pas. Il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Il n'est pas comme nous, Dieu. Par contre, après la disparition de Joseph, on l'a dit dans les semaines précédentes, souvenez-vous, au niveau de la chronologie, Dieu a observé 400 ans de silence dans la révélation. 400 ans durant lesquels Dieu n'intervient plus directement dans le récit biblique. Et ce n'est qu'au chapitre 3 de l'Exode que Dieu se manifeste à nouveau. Il se manifeste, il intervient pour se révéler à un peuple de déracinés. On se souvient que les Israélites en Égypte, ce n'est pas leur pays. Ce sont encore l'éternel juif errant. Donc, Dieu se manifeste, se révèle à un peuple de déracinés. Pourquoi? Pour en faire sa part personnelle, pour en faire une nation de prêtres, un peuple saint, séparé du reste du monde. Et surtout, le chapitre 3, ça marque véritablement le début des événements de l'Exode. Les deux premiers chapitres, ce n'est un peu que le préambule. On plante le décor. Il y a un chapitre sur l'asservissement des Israélites en Égypte, il y a un chapitre sur la jeunesse de Moïse. Mais ce n'est vraiment qu'au chapitre 3 que l'action débute vraiment. Donc, Dieu avance dans l'histoire, il avance dans son plan, il est souverain dans tout ça. Il avance selon sa volonté. Donc, après 400 ans, il se manifeste, il se révèle à Moïse, en confirmant les anciennes promesses, mais avec des instructions nouvelles qui viennent amplifier, qui viennent compléter ce qui a été dit précédemment. Toutes les promesses qui ont été faites antérieurement au patriarche. Donc, après la période de tutelle égyptienne, le peuple d'Israël va devenir vraiment le serviteur de son Dieu, qui est Yahvé. On va y revenir à ce nom-là. C'est donc là l'essentiel de ce que je viens de dire, c'est l'essentiel du chapitre 3. C'est décisif pour la suite du récit biblique, pour l'histoire du salut, pour l'annonce du Messie à venir, Jésus-Christ. Et ça marque vraiment le début de la sortie d'Égypte pour Israël. Donc, on va y aller dans le détail. Mais retenons ceci. Un, Dieu révèle sa nature exacte à Moïse. Mais ce n'est pas tout. Il s'est choisi un prophète, Moïse, pour son peuple. Et il annonce aussi la prochaine délivrance d'Israël, ainsi que l'entrée dans la terre promise. Ce sont les points qu'on va voir là, dans le détail au courant des prochaines minutes. On va commencer par la déclaration de Dieu que Dieu fait au sujet de lui-même. C'est très important. Donc, qui est Dieu? Quel est son nom? Moïse pose cette question-là à Dieu. On voit que dans le chapitre là, qu'on a sous les yeux, qu'on a lu ce matin, là, le nom de Dieu, c'est une affaire sérieuse. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que par son seul nom, Dieu révèle qui il est. Et en révélant qui il est, il manifeste que rien n'existe que par lui. Que par lui, j'insiste sur le « que » ici. Rien n'existe que par lui et que par son nom. Donc, au verset 13, Moïse va demander ceci à Dieu. Quel est son nom? En fait, cette question-là trahit de la part de Moïse une incertitude. Bon, on peut la voir comme sous la forme d'une objection. Premièrement, Moïse est inquiet parce qu'il craint de voir les Israélites contester l'autorité qu'il a, la référence qu'il a reçue de la part de Dieu. Ça, c'est sa première crainte. Mais ça traduit aussi une ignorance de la part de Moïse de la nature de la personne qui se trouve devant lui. Il ignore son nom. Il sait qu'il a affaire à une divinité, il sait qu'il a affaire à un Dieu tout-puissant, il sait qu'il a affaire à Dieu, mais il ne connaît pas le nom personnel de Dieu. C'est là ici qu'on va faire un peu d'hébreu. Dieu en hébreu se traduit par Elohim, les Elohim, les dieux. On le rapporte ici à Dieu. C'est un nom commun pour désigner la divinité. C'est commun à plusieurs langues sémitiques du Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas un nom spécifique, Dieu Elohim. C'est un nom générique. Puis ça pourrait également désigner une autre divinité. Donc, Moïse a vraiment besoin de connaître le nom véritable de Dieu. Et Dieu va y consentir à y révéler son nom. Et il va lui donner trois réponses. Au verset 14, regardez bien, et pour Moïse seulement, exclusivement, Dieu se présente comme étant « Je suis celui qui suis ». Un peu plus loin, pour le peuple, pour les enfants d'Israël, Dieu va demander à Moïse de le désigner tout simplement comme « Je suis ». Et un petit peu plus loin, Dieu déclare également être l'Éternel. Et c'est là qu'on va faire de l'hébreu. On va aller voir comment ça se traduit dans l'hébreu, tout ça. La première réponse, c'est « Je suis celui qui suis ». C'est une traduction de la phrase hébraïque « Ayez à chair, ayez ». Derrière moi. C'est compliqué, j'ai pas tout compris, mais ça peut aussi être rendu par « Je deviendrai quoi je choisis de devenir », littéralement. Ou « je suis ce que je suis », ou « je serai ce que je serai », « je crée ce que jamais je crée », ou « je suis l'existant ». Ça veut dire tout ça, à peu près. La deuxième réponse, « je suis », « ayez », c'est la forme à la première personne de « aya », « être ». Et en raison des particularités de la grammaire hébraïque, ce mot signifie à la fois « je suis »,« j'étais » et « je serai ». Donc, il y a une notion d'éternité ici, de permanence, très forte. La troisième réponse, c'est le célèbre tétragramme, le Yahvé, dont les Juifs ont oublié la signification aujourd'hui parce qu'ils ont cessé de prononcer son nom de peur d'enfreindre le commandement sur prononcer le nom de Dieu en vain, là. Bref, on ne sait plus trop comment ça se prononce aujourd'hui. Dans les Bibles protestantes en général, dans la seconde en particulier, on le traduit par l'Éternel. Le Yahvé correspond à l'Éternel ou celui qui est. En fait, beaucoup de choses sont débattues à propos du nom Yahvé, là, et je vous l'épasse, tous ces débats-là. Mais si on s'en tient à la forme simple, là, Yahvé, c'est celui qui est, celui qui se révèle. Et Yahvé, c'est vraiment le nom personnel, le nom propre de Dieu. Le théonyme. OK, pour faire savant, là. Donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est que Dieu se présente à Moïse comme étant celui, je suis celui qui suis, ou bien je suis. Ce sont deux variantes de son nom personnel, Yahvé, celui qui est. Hein? Et ce qui est important aussi, c'est que par après, dans le texte et dans les chapitres suivants, lorsque Dieu va se déclarer aux enfants d'Israël, il va employer fréquemment le mot Yahvé ou l'Éternel. Donc, c'est un nom qui va continuer d'être employé fréquemment pour désigner Dieu devant les Israélites. Si on prend par exemple Osée 12:6, l'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. C'est le Dieu personnel de tous les Israélites. C'est le Dieu personnel, le Dieu national, le Dieu du peuple d'Israël. Donc, c'est de cette manière-là que Dieu s'est révélé à Moïse. Et à cause de Moïse, à nous, l'humanité entière, souvenez-vous que Moïse est l'auteur principal du Pentateuque. Ce qu'on sait de Dieu est contenu dans ce livre que Moïse a rédigé parce qu'il a été témoin de tout ça, de manière rétroactive. Donc, Dieu, par rapport aux autres divinités, l'Éternel, là, c'est vraiment... C'est l'être éternel. Puis je dis ça par rapport aux autres fausses divinités. C'est important, il y a cette notion-là ici. Dieu s'affirme par rapport à toutes les fausses divinités, à toutes les idoles qui coexistaient à cette époque. Dieu s'affirme comme étant l'être éternel à l'exclusion de tout autre, de quiconque, de toute autre divinité, fausse par essence. Cette notion d'éternité, c'est impossible à comprendre pour nous, pour un être humain, pour un interlocuteur humain, pour un Moïse, comme pour nous tous. Cette réalité-là, ce fait-là, il faut l'accepter, il faut le recevoir tel quel. Pourquoi? Parce que notre réalité est marquée par la naissance, et la mort nous empêche de concevoir un être qui a toujours été, qui n'a jamais commencé d'exister. Réfléchissez-y deux petites secondes à ce que ça peut représenter. Je ne pense pas que vous allez être capable de réconcilier. Donc, c'est un nom absolu, c'est un nom de plénitude. Il y avait l'Éternel. Et ce n'est pas non plus un nom exclusif. Parce que ce n'est pas le seul nom que va employer Dieu pour se désigner. Hein? Si vous reparcourez le chapitre 3, vous allez voir qu'il s'est adressé à Moïse ce jour-là sur l'Horeb de différentes manières. Il a employé Yahvé l'Éternel, mais il se présente également comme Dieu, c'est-à-dire la divinité. Et ce Dieu-là, dans le texte hébraïque, est présenté comme un nom propre, c'est-à-dire le seul vrai Dieu par rapport à toutes les fausses divinités. Ce n'est pas un des dieux, c'est le Dieu, le seul Dieu, à l'exclusion de quiconque. Et il y avait l'Éternel, Dieu, tout ça, bien sûr, se renforce mutuellement. En se désignant, Dieu s'affirme devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il affirme son caractère unique. Et il s'affirme ainsi pour rejoindre les enfants d'Israël, pour rejoindre son peuple, dont il a été coupé pendant 400 ans et avec lequel il communique à nouveau. Un peu plus loin, il donne l'ensemble de ses noms, puis il insiste sur les liens filiaux et généalogiques avec Israël. C'est ainsi qu'il va demander à Moïse de le présenter devant Israël comme étant l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Là, on a la totalité des titres ici dans une seule phrase. Je pense que c'est suffisant pour identifier qui est Dieu ici. Surtout, c'est important, ce n'est pas un quelconque chorus, un quelconque chamache, un quelconque jababa qui s'est adressé à Moïse. C'est important pour lui de savoir ça. C'est l'Éternel en personne. Et c'est l'Éternel en personne qui envoie Moïse auprès des enfants d'Israël. Et c'est ce même Éternel-là qui s'est manifesté autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il s'agit de la même personne. 400 ans, c'est long. Reportez-vous 400 ans ici, là, c'était la fondation de la colonie. Il n'y avait pas grand monde. Et il faut dire aussi qu'après 400 ans, les enfants d'Israël s'étaient certainement éloignés de leur Dieu. En l'absence de toute révélation écrite, ils vivaient un peu dans l'ignorance de la personne qui s'était adressée autrefois à leur père. Bon, bien sûr, les anciens du peuple perpétuaient certaines coutumes, certains souvenirs, mais tout ça demeurait flou. Et surtout, on vivait dans l'ignorance de qui était Dieu véritablement, et on vivait dans l'ignorance des promesses qui restaient à actualiser, notamment la terre promise. La raison pour laquelle les anciens sont les gardiens des coutumes nationales, des souvenirs, des traditions orales, c'est un peu la raison pour laquelle Dieu demande à Moïse de s'adresser d'abord aux anciens, afin de leur faire connaître la volonté divine et les promesses qui concernent Israël. Et d'ailleurs, Dieu va rassurer Moïse à propos de la réception qui va lui être faite de la part des anciens. Hein, ils écouteront ta voix et tu iras, toi, les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Ça, c'est au verset 18. Ça, c'est pour le nom de Dieu. Maintenant, pour la nature de Dieu, la question du nom de Dieu nous amène à nous interroger sur l'identité de l'ange de l'Éternel qui est mentionné et qui s'adresse à Moïse à travers le buisson ardent. Le narrateur, qui est Moïse, témoigne qu'il s'agit de l'Éternel Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu. Il s'est identifié comme étant une seule et même personne. Dieu l'appela du milieu du buisson, par exemple. Là, on va faire un saut dans le temps, un saut de 1500 ans vers notre époque, dans notre direction. Donc, bien plus tard après ces événements, notamment dans l'Évangile de Jean, Jésus va déclarer lui-même qu'il est « Je suis ». Donc, lui, le Fils, est de la même essence que Dieu le Père. Jésus va employer la même formule, mais en araméen cette fois-ci, mais ça veut dire la même chose, et ça fait clairement référence à cet épisode d'Exode 3. Dans Jean 8:58, Jésus va affirmer son unité avec Dieu en déclarant pour lui-même qu'il est le Yahvé l'Éternel, de l'Ancien Testament. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Ça va scandaliser les Juifs qui vont entendre ça, bien sûr. Et ce n'est pas fortuit si Jésus reprend cette même formulation. Pourquoi il s'attribue le « je suis » de l'Exode, le nom permanent de Dieu. C'est parce qu'en réalité, Jésus lui-même était présent dans le buisson ardent au moment des faits. Il peut bien dire « je suis » parce qu'il était là. Il était présent. C'est lui qui s'est adressé à Moïse sous la forme de l'ange de l'Éternel. Puis en disant cela, Jésus n'est pas en train d'usurper un nom qui n'appartient qu'à Dieu, il est Dieu lui-même. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, il est éternellement engendré, puisqu'il n'a jamais été ni fait ni créé. Il est simultanément d'une même essence que le Père, donc il est co-éternel. Hébreux 1.3 nous dit « Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. » Donc Dieu a créé le monde, nous dit la Genèse. Mais l'Évangile de Jean nous dit que « Toutes choses ont été créées par la parole, appelée Dieu, qui est Jésus. » Les Épîtres de Paul et aux Hébreux nous disent encore que Dieu a fait le monde par son Fils et qu'il a créé toutes choses par Jésus-Christ. Donc, il était présent à ce moment-là. Donc, celui qui est nommé Dieu, Parole, Fils et Jésus-Christ, il existait déjà lorsque toutes les choses ont été créées par lui. Donc, c'est pour ça que Jésus a pu dire « en vérité, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Il l'a dit en toute légitimité. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que la personne qui parle à travers le buisson, c'est Dieu le Fils, plus spécifiquement? Bien, premièrement, l'ange de l'Éternel qui s'adresse à Moïse parle de lui comme étant Dieu, si on l'a vu. Il s'exprime comme Dieu, il affiche une autorité et des attributs divins. Et au verset 6, on voit que Moïse doit se cacher le visage parce qu'il craint de regarder Dieu. Mais surtout, Jean 1,18 nous déclare concernant le Fils, concernant Jésus, que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils, si ce n'est Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et Dieu le Fils unique, c'est celui qui a fait connaître Dieu. Je paraphrase un peu ici. Donc, considérant tout cela, considérant que jamais personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils, celui qui s'est adressé à Moïse dans le buisson ardent, c'est certainement Dieu le Fils, et non Dieu le Père. Et là, on va faire un peu d'érudition encore, pour ceux qui aiment ça. Le verbe grec exégéomai, qui est traduit dans la seconde par l'expression « l'a fait connaître », ça nous a donné deux dérivés dans la langue française, qui est exégète et exégèse. Littéralement, le Fils de Dieu, ici, a été l'exégète du Père pour l'homme. C'est celui qui l'a fait connaître. Continuons dans la révélation d'Exode 3. Dieu ne fait pas juste révéler sa nature profonde, il annonce aussi quelque chose à propos d'Israël. Il annonce la délivrance prochaine du peuple. Donc, il se révèle à Moïse. Il fait davantage que décliner son identité à un simple policier, là. Il parle de sa nature, mais il révèle également ses intentions. Son intention, c'est de délivrer le peuple qu'il s'est choisi. Donc, Dieu avance dans l'histoire. Il s'est choisi un peuple sous le regard des autres nations, parce que Dieu veut se manifester, il veut manifester sa nature même et sa sainteté par rapport à toute l'humanité. Et il construit l'histoire du salut qui va nous mener éventuellement jusqu'à Jésus-Christ, le Messie. Et ce faisant, je l'ai mentionné, il garde toutes les promesses qui ont été faites auparavant à Abraham, Isaac et Jacob, avec lesquelles il a fait alliance. Donc, il a fait alliance avec ces trois-là, mais aussi avec leur descendance, qui est le peuple d'Israël. Et on sait que depuis 400 ans, Israël séjourna en Égypte. Et depuis Joseph, on sait également que Dieu avait gardé le silence. Donc, sans révélation écrite, le peuple était laissé à lui-même, connaissait mal ou ne connaissait pas du tout qui était son Dieu. Tout au plus, le peuple avait-il un vague souvenir de ses origines par la tradition des anciens? conservait également l'organisation en tribus, on le savait. Donc, si le peuple avait oublié Dieu, Dieu, lui, par contre, n'avait pas oublié son peuple, parce que Dieu est miséricordieux. Il est soucieux d'un jeune peuple. Hein? Israël, à cette époque-là, c'est encore un jeune peuple. Il est soucieux de ce jeune peuple dont il veut prendre soin et qu'il veut délivrer. Un peuple qui est réduit en esclavage, et Dieu est touché par ça. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 7. Et le but de cette délivrance-là, le but de l'intention en délivrant Dieu, c'était bien sûr d'aller adorer, que le peuple puisse adorer Dieu. C'est un thème qui va souvent revenir dans les chapitres suivants dans l'Exode. Donc Dieu s'est choisi un peuple saint pour le servir. Un peuple qui le représente en face des nations. Et surtout un peuple qui ne va jamais s'amalgamer aux autres nations. Et ce que je dis, c'est encore vrai aujourd'hui. Nommez-moi un peuple qui est resté tel quel depuis l'Antiquité. Oui, les Juifs sont passés par toutes sortes de tergiversations, par toutes sortes de passages douloureux, mais la nation d'Israël, en tant que telle, elle existe encore. L'autre intention de Dieu, c'est de faire entrer prochainement le peuple dans la terre promise, qui avait été promise autrefois à Abraham, un pays où coule le lait et le miel. Donc, ce qu'il faut admirer ici, c'est la fidélité, la constance de Dieu. Rien n'a changé dans sa volonté d'avancer dans l'histoire et dans sa volonté d'accomplir les promesses. Et tout ça, Dieu va le faire. Ce n'est pas encore arrivé dans Exode 3, on l'annonce, mais tout ça va se manifester bientôt de façon publique. Ça va être manifeste devant tout le monde. Tout le monde va remarquer comment Dieu va distinguer son peuple Israël. Mais ce qui est certain aussi, c'est que ce qui est certain aussi, là, le dernier point, là, avant qu'on arrive à la conclusion, c'est que Dieu s'est choisi aussi un messager. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un pour s'adresser non seulement à Pharaon, mais il a besoin de quelqu'un pour s'adresser à son peuple. Un messager, c'est un prophète. Un messager, c'est celui qui délivre le message divin et le transmet à un auditoire ou à des destinataires. Et ce messager-là, on l'a vu, c'est Moïse. Le discours d'Étienne dans Acte 7 va nous donner des éléments biographiques qu'on n'a pas dans Exode 2 et 3. C'est pour ça que je suis également Acte 7. Donc Moïse a environ 80 ans lorsqu'il grimpe sur le mont Horeb et qu'il va se retrouver devant le buisson ardent. Auparavant, il a passé ses 40 premières années en Égypte, dans les circonstances qu'on connaît. Donc, il sauvait des eaux, éduqué comme un grand d'Égypte. Et les 40 années suivantes, il va les passer dans le désert, dans le pays de Madian, à paître des troupeaux. Et là, il va vivre de la rude existence d'un berger, jusqu'à sa rencontre avec Dieu. Donc, ça va être une acclimatation au désert pour Moïse à ce moment-là. Cependant, dès le temps en Égypte, on apprend que Moïse est déjà un homme de valeur, qui est puissant en parole et en œuvre. Ça, c'est dans Actes 7, 22. Donc, déjà à cette époque, avant même qu'il tue l'Égyptien, là, il est conscient qu'il est investi d'une mission, celle de délivrer les Israélites. Je cite ici, « Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. » Mais quel était le problème de Moïse à ce moment-là? Bien sûr, ses frères ne l'ont pas compris. Quand il a tué l'Égyptien, ils ne l'ont pas suivi dans son geste. Parce que Moïse n'agissait pas à ce moment-là sous l'entière soumission et sous l'entière dépendance de Dieu. En fait, en tuant l'Égyptien, Moïse a agi de son propre chef. Et ça n'a pas été honoré. Cependant, une quarantaine d'années plus tard, 40 ans, ça fait réfléchir. Quand Moïse va être sur le mont Horeb, Dieu va se manifester à lui dans le buisson. Ça va être véritablement là leur première rencontre à tous les deux. Je l'ai dit tout à l'heure, Moïse ne connaît pas le nom de Dieu. S'il l'a déjà rencontré auparavant, disons qu'il le connaît mal. Non, c'est vraiment, sur le mont Horeb, la première rencontre entre Dieu et Moïse. À ce moment-là, Moïse va être éclairé sur la nature de Dieu. Mais encore, il va être investi d'une grande mission, qui est celle de guider et de délivrer Israël. Et c'est une mission qui va nécessiter qu'il s'adresse au Pharaon. Et Dieu ne dissimule pas à Moïse toute l'opposition qui va lui être faite de la part de Pharaon, mais il ne lui dissimule pas non plus l'opposition qu'il risque de connaître de la part de son peuple. Et Moïse a des doutes. Bon, c'est facile de raisonner aujourd'hui en regardant le texte, là, mais bref, Moïse se trouve devant un être qui est manifestement tout-puissant et il se donne le luxe, il a le luxe quand même, d'émettre des doutes, des objections en face de Dieu. Il connaît l'identité de Dieu, mais il se permet quand même de faire des objections. Hein, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Est-ce que Moïse serait craintif de nature? Pourtant, autrefois, il n'a pas hésité à tuer l'Égyptien. Où ils étaient, ces doutes, à ce moment-là? Non, les réticences de Moïse ne relèvent pas de son caractère, mais plutôt de sa volonté ici. Et ça, Dieu le sait très bien, parce qu'il a créé Moïse et qu'il le connaît. Il ne faut pas non plus sous-estimer ça. Là, c'est mon interprétation personnelle. Il ne faut pas non plus sous-estimer le poids des ans dans la volonté d'une personne. 40 années dans le désert, ça fait réfléchir. Ces 40 années-là ont probablement estompé Moïse un peu. Il se souvient de son échec précédent. Et comme toute personne, et comme tout homme en particulier, on aime la facilité, on n'a pas envie d'affronter le danger. Bon, c'est mon opinion, ça en vaut bien une autre. Ce qui est certain, c'est que Dieu va répondre avec patience et avec douceur aux appréhensions de Moïse. Et ça, c'est remarquable. Jusqu'à ce que Moïse se soumette finalement à la volonté de Dieu et accepte d'aller parler à Pharaon. Et Dieu va le rassurer. Il va le rassurer en lui affirmant à plusieurs reprises qu'il serait avec lui et qu'il agirait au-dessus de lui avec une main puissante pour aplanir les difficultés. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Verset 20. Je souligne également le fait que la tâche que Dieu donne à Moïse, elle est clairement définie. Je vais t'envoyer auprès du Pharaon, tu vas faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ça, c'est au verset 10. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, parle à Pharaon. Non, parle aux anciens, parle à Pharaon. Faire sortir le peuple, adorer Dieu dans le désert et éventuellement entrer dans la terre promise. Parce que Dieu annonce son intention d'avoir un peuple à part parmi toutes les nations de la terre. Un peuple saint qui le sert. Ça, c'est la volonté, c'est le but final de Dieu. Et c'est Dieu qui choisit Moïse, c'est pas Moïse qui choisit Dieu. Et c'est pas non plus Moïse qui va accomplir des prodiges, c'est Dieu qui se sert de Moïse pour accomplir ses signes, comme d'un instrument. Moïse, c'est pas un homme providentiel. Ce n'est pas un grand prophète. Ah oui, il a ses qualités comme tout être humain. Mais c'est Dieu qui va le construire pendant 80 ans. Il va le construire pendant tout son parcours de vie, que ce soit en Égypte ou en Madian. C'est Dieu qui va former Moïse afin de le faire mûrir. Pourquoi? Pour l'amener jusqu'à une stature de sauveur. Ce n'est pas Moïse qui devient son propre sauveur et le sauveur des autres. Non, c'est Dieu qui l'amène à être ça. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est un type de Messie, un type de Christ. Et là, c'est là qu'on s'amuse un petit peu. Moïse lui-même, son nom signifie « sauver des eaux ». Donc, Moïse a été sauvé lui-même des eaux, rescapé. Il a été ensuite choisi pour être lui-même un sauveur du peuple choisi de Dieu, Israël. Et en faisant, dans tout cela, Moïse y annonce plus tard ce que Christ va faire pour ses enfants, nous, ses élus, qui avons aussi été sauvés. Et nous sommes le nouveau peuple de Dieu, le nouvel Israël aussi. Parce que nous aussi, les croyants en Jésus-Christ, on a été choisis avant même la fondation du monde. Par qui? Par Christ. Et nous aussi, on a été délivrés du péché à cause de qui? Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ en qui on a mis notre espérance. Donc, Moïse est un type de sauveur, un type de Messie, qui annonce le véritable sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. J'achève. On a vu une révélation en quatre points, là, avec quatre facettes différentes. Que ce soit le nom de Dieu, la présence de Jésus, les intentions de Dieu, le choix de Moïse. Dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu garde vraiment une entière maîtrise des hommes et des événements. On a l'impression que Dieu se met en colère ou qu'il se laisse apitoyer. Non, non, non. Dieu est permanent. Dieu a décidé tout ça depuis toujours. Et il avance dans son plan. Et l'Éternel, il est de sa seule volonté et de sa propre volonté, le Dieu d'Israël. Et dans le cas d'aujourd'hui, qui est relaté dans Exode 3, Dieu savait très bien que Moïse allait rencontrer de l'opposition. Et il va en rencontrer de l'opposition, Moïse. Les prochains chapitres vont nous le montrer. Tantôt de Pharaon, tantôt de son peuple, commence déjà à manifester les premiers signes de la rébellion, et ça va continuer dans le désert pendant longtemps. Cependant, Dieu, dans tout ça, va préserver Moïse en aplanissant les difficultés devant lui. On a mentionné sa main puissante, là, qui va fléchir le Pharaon, qui va fléchir l'Égypte, mais qui va aussi châtier les rebelles dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu soutient l'autorité de Moïse. Dieu a choisi Moïse, Dieu a choisi son peuple, Dieu a choisi Moïse pour être le conducteur de son peuple, et Dieu ne laissera pas Moïse être détruit par une quelconque opposition. Moïse est le chef établi par Dieu sur Israël. Donc, au peuple, qu'est-ce qui est demandé? C'est la soumission. Tout comme Moïse lui-même s'est soumis à Dieu. Par la suite, tous ceux qui vont s'opposer à Moïse vont être châtiés. Pharaon, le peuple rebelle dans le désert. Donc, Pharaon, lui, va voir l'Égypte être frappée de toutes sortes de plaies, de toutes sortes de prodiges qui vont mettre carrément l'Égypte à genoux. Les rebelles du peuple, eux, vont laisser leurs eaux dans le désert. Ils ne verront jamais la terre promise. Donc, si on fait le lien avec aujourd'hui, là, Dieu, de tout temps, il a établi des autorités. Il a établi des autorités du temps d'Israël. Il en a établi aujourd'hui sur le nouvel Israël, l'Égypte, pour faire comme Moïse, pour diriger son peuple. Donc, de la même manière, la soumission aux anciens, c'est la même soumission qui était demandée au peuple d'Israël. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. OK. Tous les dirigeants passés ou présents dans l'Église ont été désignés par Dieu pour que le gouvernement de Dieu puisse s'exercer. Et la volonté de Dieu dans tout ça, c'est qu'on reste unis et qu'on porte bien haut le nom de Christ pour que la grâce triomphe. Donc, restons. Obéissons à Dieu à travers nos dirigeants.